On va parler des séries éliminatoires qui commencent ce soir avec notre collaborateur Joe Hardy. On va également parler du bilan du Canadien de Montréal de lundi avec de Jeff Molson et Marc Bergevin. On en parle avec Joe Hardy. Salut Joe! Ça va bien, ça va bien. Joe, est-ce que t'as sauté au plafond quand Jeff Molson a annoncé que la nourriture va être meilleure au Centre Bell? De la conférence de presse, mais j'ai appris qu'il avait parlé de ça. Écoute, il essaie de dévier probablement les questions des journalistes, mais bon, c'est peut-être une bonne chose. S'il a dit, ça devait être parce que le monde chialait à propos de la bouffe, là. Mais on s'en fout-tu de la bouffe? Le monde, ce qu'il voulait entendre, c'est qu'il va y avoir des changements, ce qu'il va y avoir... Il en a promis quelques-uns, mais de ce qu'on apprend, c'est que ça va être mineur encore. Ça se jouerait du côté des adjoints. Donc, les grands changements que le monde attendait, là, Terry Timmons, Sylvain Lefebvre, et ainsi de suite, ben, il va en avoir un parce que Lefebvre, lui, gardera, selon les rumeurs, s'en irait comme adjoint à Claude Julien, mais c'est ouais, pas vraiment... Mais, ouais. Ils ont bien mentionné dans l'ensemble, ils ont bien mentionné que, ils vont commencer, ben, mentionner, en tout cas, je l'ai lu, puis je parlais à des jeunes dans le milieu, c'est que dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer par, s'il y a des changements de poste, ils vont commencer par les remplir avec des gens déjà dans l'organisation. Mm. Tu sais, ça sera pas avant de commencer à penser d'amener des gens nouveaux. D'ailleurs, quand je t'ai parlé ce matin, c'est que j'arrivais de l'entraînement, puis on en discutait avec des gens, puis je vais y revenir là-dessus. C'est que tu sais, ils vont essayer de prendre des gens existants là qui sont là pour les changer de poste, de position, puis voir qu'est-ce que ça va donner. Mais le reste de la conférence, ça fait trois depuis que c'est arrivé que je m'entraîne puis que je parle à des gens puis je suis pas d'accord puis je suis pas un partisan du Canadien plus qu'un partisan des Bruins ou du Chicago, ouais. Là. Mm-hmm. Mais je sais pas ce que les gens ont la tête, moi. Voir s'ils vont arriver d'une conférence de presse de même puis dire, bon, ça va être ça, on est non, bon, c'est on est sûr. Pas bon, on est... Tu sais, à un moment donné, là, une compagnie, que ce soit toi dans la radio ou dans ton travail que tu peux faire ailleurs, tu sais, il y a des choses que tu peux pas dire puis j'ai fait la remarque à quelqu'un. T'sais, exemple, on va dire que Tavares signe demain matin pour Chicago, mettons. Mais ben là, ça change son plan de match, peut-être. Van Riesdyk s'en va en Floride. Mais ben là, moi, je me rappelle juste une anecdote là-dessus. Quand j'étais directeur gérant coach à Shawinigan, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider parce que moi, je voyageais tous les jours. Alors, j'avais gardé mon travail. Les Maritimes n'existaient pas. C'est-à-dire, les Maritimes, oui, existaient, mais il n'y avait pas d'équipe des Maritimes. Fait qu'on pouvait avoir deux jobs, tu sais. Puis Réal Marino, je nomme son nom parce que c'est pas grave, là. C'est que Réal, à un moment donné, il rentre dans le bureau, puis je dirais pas, je prendrais pas les jurons qui a sorti. Il dit, Joe, là, tu sais, une journée, tu nous dis que tu veux changer ce gars-là, puis là, moi, je regarde à gauche et à droite, puis là, tu m'arrives le lendemain ou tu m'appelles le soir chez nous pour me dire, oublie ça. Mais ben, j'ai dit, c'est ça. Là, OK, la business, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu prends les nerfs un peu, tu dis, lui, on va le changer. Puis le lendemain, tu sais, puis là, on t'a ça au gars justement ce matin. C'est qu'à un moment donné, il y a un gars que je voulais échanger, que je nommerai pas. Il y avait 8 clubs qui m'ont appelé. Fait que là, je dis au président, M. Pronovo, qui est rendu juge aujourd'hui, M. Pronovo, je ne l'échangerai pas. Tous les clubs, elles l'aiment. Il doit y avoir quelque chose que je vois pas, ouais, mais... que je vais être obligé de découvrir. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Fait que le Canadien, pour revenir à ta question, ben, tu sais, je sais pas quel journaliste qui s'en va là, qui s'attend à ce qu'il va dire au monde. Ben là, j'ai été pourri, il l'a pris, là. Il a dit, Bergevin, il a dit, garde, là, j'ai fait des erreurs. Mais tu sais, à un moment donné, moi, il y a des choses que j'ai lues à travers les... j'ai compris à travers les lignes en tant qu'ancien joueur, là. Puis je suis pas plus fin qu'un autre, là. Il a peut-être lancé une coupe de flèche à son coach aussi, là. Tu sais, il veut dire, dans le vestiaire, parce que il y a pas grand monde, ni toi, ni moi, il y a pas personne à part des joueurs qui savent ce qui se passe dans le vestiaire. C'est quand même qu'un journaliste ben peut ouais. être un joueur... Tu sais, quand il y a la vieille expression qui dit, parce qu'il faut faire attention maintenant parce qu'il y a une équipe à Vegas, mais ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, hein? C'est la vieille expression. Ouais. Ce qui se passe dans un vestiaire, ça reste dans le vestiaire. Fait qu'il n'y a pas de monde qui sait qui était la pomme pourrie. Moi, je pense, au moment où on se parle, que je ne l'appellerai pas pomme pourrie parce que c'est allé loin, mais je pense que Carey Price était extrêmement négatif aux yeux du public, puis dans le vestiaire. C'est un dossier qu'ils vont régler, puis ça s'est quasiment dit dans la conférence de presse. Mais le reste, là, de dire là, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais, là, entre toi puis moi, là, Danny, là, toi, t'étais à Delbeau, moi, j'étais à Québec dans mon salon. J'ai très bien vu que Price, tu sais, d'abord a été blessé, il est revenu, il avait une attitude ordinaire. J'ai très bien vu que Petrie, c'est pas un défenseur numéro un, mais il peut être là. J'ai vu qu'Hasner est ordinaire. J'ai vu que Mété, il était petit. Tu sais, ils peuvent pas penser que ça va être le futur vedette de l'équipe. J'ai vu qu'il manquait un joueur de centre numéro un. Là, ils pensent peut-être que Drouin, parce qu'il était bon en fin de saison. J'espère que c'est pas ça. La fin de saison, c'était terminé, là. Mmh. Le dernier mois et demi, tout le monde pouvait être bon, il n'y avait pas de pression. Fait que, tu sais, si on a vu ça, toi puis moi, Bergevin, c'est pas un câble, il l'a vu, lui, ici, là. Mais, tu sais, ça se règle pas dans deux jours, ça. Quand même qu'il y aurait des choix au repêchage. Mais, les gens oublient, puis ça, c'est le fun pour le hockey d'aujourd'hui. C'est que tu peux, dans un an, tu peux revenir l'année prochaine, puis avoir une très bonne équipe. C'est parce que tu peux engager une coupe d'agents libres. Mais le problème qu'il y a à Montréal, c'est qu'ils ont de la misère à les attirer. Puis la comparaison de Colorado que Bergevin fait, elle ne tient pas de bout. Non, parce que tu as Mekin. T'as-tu compris, Danny? C'est qu'ils ont un joueur que le Canadien n'a pas. C'est un des top 5 de la Ligue. Tu sais, il veut dire, à un moment donné. Là. Fait que tout ça pour dire que moi, la conférence de presse, moi aussi, j'aurais aimé ça de l'apprendre. Mais en tant qu'ancien joueur, tu sais, on va attendre voir ce qui va se passer. Puis moi, si tu veux mon opinion, il va y en avoir des changements. Ils vont amener des gars peut-être nouveaux qui vont remplacer certains joueurs. Tout indique Bouchard. On parle de Bouchard et Duchamp. Là. Ce serait vraiment une bonne. Encore là, toi puis moi, là. C'est le coaching. Là. Moi, je suis un peu surpris que Julien n'ait pas amené cette année. Je parle pas de l'an passé. Cette année, d'amener des gars avec qui il s'entendait bien. Mais pourquoi? Parce qu'ils s'entendaient peut-être très bien avec les coachs qu'il y avait là avec et compagnie. Écoute, t'as des gars comme, rappelle-toi, Michel Bergeron a amené Charles Tifo, après ça, Jacques Lemaire a amené Jacques Laperrière, après ça... Ça, je comprends ce bout-là, mais ce que je veux en venir, c'est que peut-être que Julien, quand d'abord, il les a rencontrés, les adjoints, avant de dire « je les garde ». Moi, je me rappelle quand... ça a été terminé avec Shawinigan, je faisais de la radio à Québec, puis là, Beauport m'avait appelé pour remplacer Chénet, puis ça s'était fait en pleine nuit, puis là, veux-tu garder l'adjoint? Je ne le connaissais pas, de la montagne. J'ai pas peur de dire que j'ai fait une erreur de le garder, mais je ne le connaissais pas, puis j'ai dit, garde, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider au niveau de ce qui se passe dans le vestiaire, ça va être lui. Mais tu sais, là, à un moment donné, là, tu fais pas des changements juste pour en faire. Alors, tu sais, à quelque part, ça me fait rire, puis je serais content que ça arrive, là. Je suis pas jaloux à l'âge que j'ai, là. Mais, à quelque part, là, Joël Bouchard, puis Duchamp, là, pourquoi, là, les gars qui sont là, c'est pas des crétons, là. Tu sais, Joël Bouchard, je respecte Joël Bouchard, là. Mais non, mais c'est parce que... Oui, mais il connaît quand même, la philosophie, puis tu sais, les jeunes d'aujourd'hui. Joël Bouchard, ça pourrait pas être bouché, ça pourrait pas être... le coach de, je sais pas, de Shawinigan ou de Hull, je le connais pas, là, ça pourrait pas être Jean de Chicoutimi, tu sais, veut dire, là, le monde est parti parce que Duchamp est allé à la Coupe Memorial, pas à la Coupe Memorial, mais au championnat du Nord. Tu sais, veut dire, ça fait-tu de lui un meilleur coach de Drummondville, si Drummondville se fait sortir dans la ronde qui s'en vient contre Victoriaville, ils vont te dire, là, il est plus calé pour aller là, tu sais. S'ils l'ont choisi à travers Team Canada, lui et Joël Bouchard, quelque part, il doit être en avant sur d'autres, là. C'est sûr que c'est pas tout le monde veut y aller. Joël Bouchard m'a déjà dit que lui, ça l'intéressait plus ou moins, parce qu'il laissait l'équipe, là. C'est exactement ce que j'allais te répondre. Il faut faire attention dans ces choix-là. C'est qu'il y a bien des gars qui veulent pas y aller et laisser leur équipe pendant un mois et demi. Si t'es dans la reconstruction, t'as pas le goût. Puis moi, si j'étais propriétaire d'une équipe junior, il faudrait que mon coach me demande, est-ce que je peux y aller? Parce que tu sais comment ça fonctionne, hein? Je venais remplir des formules. J'ai vu les questions que tu posais concernant ton coaching. Puis j'ai jamais vu une stupidité de même. Ton chanteur préféré, c'est à quoi le rapport avec le hockey, là? Je me rappelle d'avoir cette question-là, entre autres. Puis ça me gêne pas de le dire. J'avais écrit Claude Blanchard, moi, pour rire d'eux autres. Je trouvais que c'était une joke. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'ils te choisissent. Tu sais, d'abord, ils prennent le gars qui était adjoint peut-être une couple d'années. Puis ça prend quelqu'un qui veut y aller, puis ça demande beaucoup d'implication, puis ça te fait abandonner ton équipe un bon bout de temps, là, tu sais. Mais moi, ces choses-là, Danny, puis c'est plate, là, que je te dise ça, puis peut-être que t'es pas d'accord, mais moi, ça m'insulte de voir tout de suite, là, « Ah, c'est Joël Bouchard, c'est Duchamp, faut que les autres s'en aillent. » Ben, allô, Il y en a d'autres coachs aussi. Là, il y en a. Moi, je pense qu'il y en a 3-4 qui sont vraiment sur le point. Là, t'as lui, t'as ces deux-là. T'as Beau Soleil à Rimouski qui fait une bonne job. T'as également, même Gilles Bouchard et Yannick Jean, va falloir les considérer tard. Ils sont peut-être pas encore assez prêts, là, mais il y a du bon monde, là, qui, c'est parce mais, que... Mais non, ouais. Mais normalement, Denis, normalement, et puis ça, je le dis, parce que je l'ai fait la job, j'ai coaché dans l'Amérique américaine, normalement, t'es mieux d'avoir un peu de millage, tu sais, là, pour vraiment donner l'équipe école du Canadien. Tu sais, Joël Bouchard, là, il jouait pour Longueuil, il jouait pour le Collège français quand je coachais, là. Tu sais, le gars, là, il n'a pas coaché pro, là. Tu sais, là, donner ton équipe école, là. Tu sais, les gens oublient que Sylvain Lefebvre, il était adjoint dans l'année nationale avant de coacher l'équipe école, là. Il a du millage avec les gars d'un certain âge. Coacher des juniors, puis coacher des gars qui, là, sont sur le bord de tourner dans la grosse ligue, c'est un autre game. Ah, moi, je regarde du charme, là. Je le connais pas, c'est Dominique, son nom? Oui. Je l'ai vu aller, je l'ai écouté parler. Moi, quand je regarde une game de hockey, je me demande toujours est-ce que je jouerais pour ce gars-là. Moi, Duchamp me semble pas un gars là, qui donne les coups de pied dans l'air au gars. Là. Bon. Il est peut-être très bon, je le connais pas. Là. Mm-hmm. Mais moi, son look, là, ben, je suis pas plus attiré que ça. Il faut faire attention tout de suite. Là, les journalistes, ils ont nommé Alain Chéné, le directeur du recrutement, puis tout le kit. Mais là, c'est plein de gars de hockey qui sont présentement pas disponible. Comme un matin, il y a un gars qui me dit « Qu'est-ce qu'il attend de Bergevin dehors? » Voyons donc, c'est pas le temps de le mettre dehors, là. Après la première ronde là, qu'on va voir cette année, là, déjà là, le plan de match du Canadien peut changer. Parce qu'il y a peut-être des gars qui les intéressent, que ce soit des joueurs ou des gens qui sont dans la direction d'une équipe, qui les intéressent, qui vont être éliminés, puis là, tu peux leur parler. Tu sais, alors, comment même qu'ils auraient donné leur opinion lundi sur les choses qu'ils veulent faire, ça peut changer d'ici 3 semaines. Ouais, c'est tout ça pour ça. Donc, c'était une bonne conférence de presse. Ils ont fait. Il y a combien d'équipes qui ont fait des conférences de presse d'une heure et quart? Il n'y en a pas bien, hein? Non. Puis deuxièmement, il y a combien d'équipes qui font des conférences de presse anglais-français? Moi, je suis un journaliste français qui travaille à Cleveland, puis je parle pas anglais trop plus qu'il faut, là. Ils me font pas une conférence en français pour moi, hein? À quel moment ils le font, là? Bon. Tu sais, veux dire, à quelque part, là. Ouais. En tout cas, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais ça, c'est pour ça qu'on se parle. C'est pour ça que tu veux me parler, c'est parce qu'on n'est pas d'accord souvent. Ouais. Hey, Joe. On va parler des séries éliminatoires maintenant. Quelle série qui t'intéresse le plus? Ben, écoute, il y a une série qui me fascine, puis c'est parce que moi, je suis dans deux poules de hockey, puis on avait des choix à faire hier, puis je me suis ennuyé un peu plus hier, là, mais. Moi, je pense que la série, pour moi, là, la grosse série pour moi à surveiller dans la série qu'on voit de bonheur à TV, la première, les matchs tard, là, c'est Philadelphie-Pittsburgh. Ça va être une série qui va être physique. Mais moi, j'ai pris Pittsburgh à aller jusqu'au bout, même si c'est pour une troisième. Là. Ils savent gagner. Puis quand à quelque part, admettons que c'est peut-être pas tous les joueurs qui peuvent dire ça, mais ils ont ce qu'il faut. T'sais, ils ont des gros noms, des gars qui ont des choses à prouver. Puis tu sais, y aller pour une troisième dans une carrière de hockey, là, c'est une grosse job. C'est un gros accomplissement. Là. Mais c'est Crosby. Une équipe que Crosby, c'est comme une équipe que LeBron James. C'est une bonne comparaison. Tu peux pas les considérer comme battus. Tu peux pas parier contre. Non. Avant des battes, là. D'ailleurs, je regardais hier, puis j'entendais la question. Tom Brady ou... Meilleur attaque à 5. Tu sais, puis deuxièmement, tu sais, que tu me dises Crosby, je suis entièrement d'accord, parce que c'est un excellent joueur de hockey, mais non seulement ça, c'est que dans les playoffs, Malkin est meilleur que Crosby, à chaque année dans les playoffs. Fait que tu sais, t'as ça, t'as le temps en arrière. T'as une meilleure défensive, ils ont bien meilleure défensive que l'an dernier, ils ont gagné avec une défensive qui ressemblait à celle du Canadien. Sans le temps non plus, sans le temps, effectivement. Les Flyers, tu sais, ils ont... c'est parce que quand t'atteins les playoffs, que ce soit junior, majeur, midget 3A, Ligue américaine, il faut que quand tu arrives dans une série, il t'en reste encore en dessous de la pédale à gaz. Là. Et moi, je prends une équipe comme les Flyers. C'est pas une équipe talentueuse comme Pittsburgh. Ils ont lâché la pédale de temps en temps. Ils ont joué à 4 trios souvent. Ils sont prêts pour les playoffs. Tu sais, Philadelphie, là, eux autres, ils peuvent plus en donner plus. Là. Ils n'ont plus en dessous de la pédale. Ils ont joué à pédale dans le prélor. Un peu comme le Vegas. Vegas, ils ont joué à pédale dans le prélor toute l'année. Mais dans, il y a une phrase en anglais qui veut tout dire, OK? Quand arrivent les séries, entre autres dans la Ligue nationale, mais ça va pour le junior majeur aussi, it's a different animal. C'est un animal différent. Quand t'arrives dans les playoffs, c'est une autre saison totalement différente. Parce que là, même les gars qui n'ont pas frappé de l'année, ils se mettent à jouer physique. Mm. C'est 4-7 contre la même équipe. C'est pas un soir contre la Floride, le lendemain contre Winnipeg, puis 3 jours plus tard contre Colorado, là. Tu pognes la même équipe à 4-7. Ça peut être sa game. Fait que, tu sais, à quelque part, ça, c'est ce que Pittsburgh a vécu depuis les 2 dernières années. Tu sais, il y a des équipes là-dedans que, je m'a dit qu'ils vont trouver ça peut-être plus tough un peu. Mais Philadelphie, ils ont tout donné. Mm. Fait que moi, je pense que normalement, les Pingouins doivent, ben, écoute, je pense, je les ai choisis pour aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'ils vont passer à travers Philadelphie. Mais moi, donner le nombre de matchs, c'est sûr que les gens, comme les journalistes ce matin dans le Journal de Québec, ils le faisaient à la demande, là. Mais le nombre de matchs, c'est pas important. En autant que tu gagnes. Ça va assez. Tu veux gagner le plus rapidement possible, là, mais. Ben, moi, effectivement, c'est cette série-là, parce que les Penguins de Pittsburgh, je les aime. C'est ma deuxième équipe depuis Mario Lemieux. Tu sais, ça date de l'autre. Ça va être tough. Dans l'Ouest, mais moi, je pense que l'Est, pour une, encore cette année, l'Est est encore meilleur que l'Ouest. Mais dans l'Ouest, d'après moi, on peut pas oublier Nashville, mais moi, c'est drôle, je les ai choisis encore hier dans mon pool, j'ai pris des joueurs de Nashville, mais j'ai comme l'impression que c'est Winnipeg qui va passer. Mais dans l'Est, juste pour revenir à l'Est, là, pour la première fois depuis 3 ans, je me suis dit, là, j'ai dit, là, c'est assez, ils me feront pas ça encore cette année. J'ai mis Washington qui peut être dangereux. Là. OK. Moi, pour personne ne les voit là, puis Washington, c'est pareil. Mais tu sais, Washington, des problèmes d'un but. Il y a l'autre aspect qu'il faut regarder, ça te prend un gardien. Hein? Ben, Holby fait pas le job. Là. C'est, il va que deuxième. Pas le job, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, j'entendais quelqu'un à la radio, sans nommer qui, là, qui disait, ah, go là, c'est pas important. Non, si t'as pas de gardien à jeu-là, tu gagneras pas. Mais ce que les gens comprennent pas dans ce que, quand tu demandes à n'importe quel ancien joueur de hockey ou joueur actuel, ça te prend-tu un bon gardien? C'est oui. Mais ça veut pas dire que ça te prend un gardien qui était bon toute l'année, ça te prend un gardien qui va être bon qui dans la série. Effectivement. Tu sais, où tu prends le terme qui est hot, un peu ce que Murray a fait. Tu sais, quand on parle que Fleury a gagné 2 coupes cette année, je m'excuse, l'an passé, c'est pas lui qui l'a gagné, là. Non. C'est Murray. Hein, tu sais, à quelque part, mais je dis pas qu'il est pas bon, Fleury est très bon. La raison pour laquelle Vegas se retrouve là, Fleury a une bonne part de ça, tu sais. Vegas, d'après moi, ça va sortir, hein. Ça va. Écoute, moi, j'ai une gageure avec quelqu'un. Je me suis protégé parce que c'est le gars qui m'a attaqué pour me demander de le gager. Ils n'iront pas plus loin que la deuxième ronde, mais s'il avait pogné Anaheim dans la première ronde, j'aurais mis un peu plus de sous pour dire qu'il sortait en première ronde. Mais le retour de Carter à Los Angeles, Quick a commencé à jouer du bon hockey. C'est une équipe qui a déjà été là. Le noyau de joueurs qui était à la Coupe Stanley avec Los Angeles est encore là. Puis l'autre affaire, Danny, tu fais longtemps que tu suis le hockey, ils vont être capables d'être physiques. Ils sont pesants, Los Angeles. Oh, puis ouais. Un 4-7, tu sais, l'exemple là, des Marchessault de ce monde à Vegas, que tu as joué contre Kopitar, que tu as joué contre Carter, un Dustin Brown qui assomme tout le monde dans les séries, il frappe à tour de bras. Ils vont trouver ça différent, là. Ils vont trouver ça différent. Moi, j'ai hâte de voir que ça va donner. Je suis un peu comme toi. Je pense qu'on s'est sorti en première ronde. Moi, la série que je vois, c'est Joe, c'est parce que c'est dans l'Ouest, c'est des sentiments. C'est Samuel Girard de Roberval qui joue avec l'Avalanche du Colorado contre Nashville. Je pense pas que ce soit long, par exemple, mais ça va. C'est quand même. Faut faire attention. Écoute, je te dirais même que, tu sais, dans ma théorie que je disais, Winnipeg va être dangereux. Le problème que Colorado a, pour moi, en tout cas, là, c'est que c'est Bernier qui va rouler. Là. Ça me fait peur un peu. Là. C'est parce que moi, malheureusement, c'est un Québécois, puis je n'ai rien contre Bernier, je ne le connais pas personnellement. Moi, c'est le gardien dans les 5 dernières années que j'ai vu donner le plus de mauvais buts que j'ai jamais vu dans ma carrière. Okay. Il donne des mauvais buts, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Mais là, il a fait une bonne job avec Colorado. Là. Et il a eu à remplacer à quelques reprises cette année. D'ailleurs, dans leur course de fin de saison, c'est lui qui était là et qui a fait la job. Mais ça va prendre plus que ça, plus que McKinnon et compagnie pour battre Nashville. Tu sais, Nashville, qu'on le veuille ou non, c'est pas une offensive extraordinaire, mais ils poussent tellement fort. Ils ont la meilleure, pour moi, ils ont la meilleure défensive de la Ligue, une défensive qui va avec l'hockey d'aujourd'hui, sont rapides, sont physiques, puis ils ont dans le but avec Pekka-Rinne, ils sont pas dans la rue non plus. Non. Ils vont être dangereux, mais j'ai l'impression que dans l'Ouest, ça va être entre Nashville puis Winnipeg, mais Winnipeg va être dangereux, ils sont pesants. Ben là, si les deux équipes passent la première ronde, ça va être ça la finale, la série, ça va être la finale de l'Ouest avant la finale... Ouais. Ça va être cette équipe-là qui va aller, d'après moi, c'est après ça, ça va être une de ces deux équipes-là qui va aller jusqu'au bout. Là. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. On a des belles séries qui s'en viennent, d'ailleurs, comme à chaque année. On oublie tout le temps, mais à chaque année, c'est ça qui s'en vient. Malheureusement, pour les partisans du Canadien, puis moi-même, je suis pas un partisan du Canadien, c'est le fun quand il y a le Canadien dans une série parce que il y a de l'ambiance, ça fait tourner les restaurants, les bars, puis tout le kit. C'est malheureux. T'sais. C'est un peu ça que les gens reprochent à cause de la conférence de presse, que tu sais qu'on semble pas trop, comment je dirais ça, la morale à terre du côté de Bergevin et Molson. On va s'en reprendre l'an prochain, mais le monde, ils ont hâte qu'ils s'en prennent pour le vrai. Oui, ouais, effectivement. Joe, on s'en parle dans quelques semaines. Danny, sais-tu ce qu'on va faire? Oui. On va s'en parler dans quelques semaines. Ben, merci beaucoup pour s'en parler. C'est moi qui te remercie. Notre collaborateur, Joe Hardy.